De nouveau, les Philistins prennent les armes contre Israël. Ils se placent sur une colline et Saül, qui a mobilisé ses forces, se place sur la colline en face, de chaque côté du val de Térébinthe. Un géant de plus de 3 mètres de haut sort des rangs philistins. Il s'appelle Goliath. Pourquoi vous êtes-vous mis en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et vous, les esclaves de Saül? Choisissez-vous un homme qui descende contre moi. S'il l'emporte en se battant avec moi et qu'il me tue, nous serons vos sujets. Mais si je l'emporte et si je le tue, c'est vous qui serez nos esclaves et qui nous servirez. En entendant ces mots, Saül et tout Israël sont dans l'effroi. Ils se cachent. Et personne n'ose répondre au défi de Goliath. David, voyant leur terreur, dit à Saül : Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Toi, aller te battre avec lui, ça n'est pas possible. Tu n'es qu'un enfant et lui, c'est un homme de guerre depuis qu'il est tout jeune. Quand ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et qu'un lion ou un ours enlevait une brebis du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par sa crinière et je le tuais. Si ton serviteur a tué le lion et l'ours, le Philistin incirconcis aura bien le même sort, lui qui a insulté les armées du Dieu vivant. Et le Seigneur qui m'a sauvé du lion et de l'ours me tirera aussi des mains de ce Philistin. Va. Et que le Seigneur soit avec toi. Le roi revêt David de son armure, lui pose un casque d'airain sur la tête et l'affuble d'une cuirasse. David ceint l'épée de Saül par-dessus son armure et essaie de marcher dans cet appareil. Je ne saurais marcher ainsi. Je n'y suis pas habitué. Il s'en débarrasse. Il prend en main son bâton. Il choisit dans le torrent 5 cailloux polis. Il les met dans le sac de berger qui lui sert de gypsière. Sa fronde à la main, il s'avance contre le Philistin. De son côté, le Philistin, précédé de son écuyer, s'approche de David. Il le regarde, et le voyant si jeune, blond et délicat d'aspect, il n'a que du mépris pour lui. « Suis-je un chien que tu viennes à moi avec un bâton ? Viens, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre ! Tu viens contre moi avec une épée ? Une lance et un javelot. Et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur des armées, du Dieu des phalanges d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera à moi. Je te frapperai et t'enlèverai la tête. Et je donnerai le cadavre de l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Si bien que toute la terre apprendra qu'Israël est un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni avec le glaive, ni avec la lance que le Seigneur triomphe. C'est lui le maître du combat, et il vous a livré entre nos mains. Le Philistin se dresse et marche sur David. Mais le jeune homme court vers la ligne ennemie, suce au Philistin. Il met la main dans son sac, prend une pierre et la lance avec sa fronde. Il frappe le Philistin au front, la pierre pénètre, et le géant tombe face contre terre. David court se jeter sur Goliath, arrache l'épée du fourreau et lui tranche la tête. Voyant leur champion mort, les Philistins prennent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se mettent alors avec des cris de guerre à la poursuite des ennemis. Au retour de l'armée, David est accueilli par des chants et des danses joyeuses. Thank you. Saül s'en irrite, et dès lors regarde David d'un mauvais œil. Mais il a un fils, Jonatas, qui se prend d'amitié pour David. Jonatas, qui est au courant des intentions de son père, le prévient. David s'enfuit. Il est pourchassé pendant très longtemps. Finalement, il se réfugie chez les Philistins avec 600 hommes qui sont à son service. Les Philistins se réunissent encore pour aller combattre les Israélites. Ces derniers sont taillés en pièces à la bataille du mont Gelboé. Ils tuent d'abord Jonatas, l'ami le plus cher de David, puis Abinadab et Melchizua, tous les trois fils de Saül. Enfin, la violence du combat se porte contre Saül. Les archers le découvrent, il est blessé au bas-ventre. Il appelle son écuyer. « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ce ne soit ces païens qui viennent le faire en m'outrageant. » Mais l'écuyer ne peut s'y résoudre. Il est saisi d'effroi. Saül prend son épée et se jette dessus.